Amis humains, bonjour. Voici une série d'émissions sur l'histoire de la robotique, telle que nous souhaitons l'aborder, se décline selon deux axes, son aspect philosophique, traité par les indices de la mythologie et de la littérature, et ses différents aspects technologiques, décrits depuis les automates jusqu'au domaine de la vie artificielle puis à ce que nous appellerons la biologie artificielle. N'est-il pas étonnant que la science, avec son énorme flot quotidien de publications, tienne aussi peu de place dans les médias, en particulier les journaux télévisés? Nous souhaitons également promouvoir la créativité en science. La robotique a un aspect ludique et artistique qui peut se révéler le moteur d'un changement d'attitude, tant au niveau de la création qu'à celui de l'acceptation par le public de progrès qui nous mèneront très progressivement mais sûrement en direction d'une robotique humaniste, au service de l'humanité. Suite numéro 11. Histoire de la robotique. La vie artificielle. Le domaine de la vie artificielle comporte de très nombreux aspects que nous ne détaillerons pas ici. Entre autres, il partage avec l'intelligence artificielle un intérêt pour la synthèse des agents autonomes capables de s'adapter. Les agents autonomes sont des systèmes qui évoluent dans un environnement complexe et ou dynamique, et qui perçoivent et agissent de manière autonome dans cet environnement. Et, ce faisant, réalisent des tâches ou atteignent des objectifs pour lesquels ils ont été conçus. La vie artificielle, s'inspirant de la biologie dans son approche, a donné naissance au concept d'anima, c'est-à-dire d'animaux simulés ou de robots, dont les lois de fonctionnement sont inspirées de celles des animaux. La vie artificielle ne constitue pas qu'un champ d'expérimentation scientifique. De manière complémentaire, elle développe également des caractéristiques extrêmement ludiques. Des comportements ou des anima pouvant devenir des œuvres d'art ou des jouets. On connaît le succès qu'ont eu les Tamagotchi, simulation sous forme d'un jeu électronique d'un animal de compagnie dont il faut s'occuper, ou plus récemment le chien robot Aibo, produit par Sony. Fin de cette 11e partie, à bientôt. Grosse bise numérique.